نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سنرى مع بعض موضوع مهم وهو يتعلق بعلم الغيب وعلم الغيب ينقسم إلى قسمين العلم المطلق والعلم النسبي donc nous allons voir ensemble بإذن الله عز وجل un sujet important qui est celui de la science en l'invisible, la connaissance de l'invisible. Et la connaissance de l'invisible est divisée en deux. Il y a la connaissance qui est absolue et il y a celle qui est partielle. فَعِلْمُ الْمُطْلَقِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَتَى يَمُوتُ شَخْصٌ وَأَيْنَ يَمُوتُ وَكَيْفَ يَمُوتُ وهل هو يموت على الإسلام أو لا. Donc la connaissance de l'invisible de façon absolue n'appartient qu'à Allah seul, sans associé. À titre d'exemple, le fait de savoir quand la personne va mourir, comment elle va mourir, où elle va mourir, va-t-elle mourir musulmane ou pas. و العلم النسبي donc la science qui est partielle, minha ruya. Donc parmi, donc l'anahiya tanqasim. Yani fiha mathalan al-firasa, wa fiha al-ilham, wa fiha al-manama, ou ruya, al-manamiya. Donc nous allons voir ici, nous, une des parties, parmi les parties donc, des sciences de l'invisible partielle, qui sont composées de, par exemple, donc, ce qu'on appelle Al-Ilham, lorsque Allah Azza wa Jalla va donc, insuffler, si on peut dire ça comme ça, à la personne, afin que la personne ait justement, connaisse des choses, et cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Al-Firasa, Al-Firasa qui en vérité une sorte de physionomie, le fait de savoir en vérité comment sont les gens, comment ils étaient même dans le passé, alors qu'on les connaît peu, mais il y a des signes des gens, donc des fois on, justement ils remarquent facilement donc les gens ainsi que leur caractère, on appelle ça al-firasa. Et nous allons voir ici donc le rêve. Nous allons voir donc le rêve. Donc le rêve, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala, yathkuru, yani ar-ru'ya, fi kitabihi al-aziz, wa ma ja'alna ru'ya allati arinaka illa fitnatan lin-nas. Certes, nous avons fait donc de la vision, celle dont on t'a fait voir, que par épreuve ou tentation pour les gens. Parmi les donc les preuves. وكذلك يقول سبحانه وتعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. Donc certes Allah et son envoyé ont dit vrai, donc vis-à-vis de la vision en toute vérité. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعني سنرى تخرجه يعني فيما بعد لم يبقى من مبشرة النبوة إلا الرؤيا الصادقة. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste donc des bonnes annonces du message que la vision qui est véridique. وطبعا يعني أصحاب اللغة يعني هم يعني تكلموا وانقسموا الرؤيا على يعني خمسة أقسام. أما قال ابن العربي الرؤيا إدراكات عقلها لله وعقلها يعني الله تعالى في قلب العبد على يد الملك أو عفوا على يد ملك أو شيطان إما بأسمائها أي حقيقتها وإما بكونها أي بعبارتها وإما تخليط ونظيرها في اليقظة الخواطر فإنها قد تأتي على نسق في قصة وقد تأتي مسترسلة غير مصلحة أو مصلحة. Donc Ibn al-Arabi dit que Ruya, donc la vision, c'est le fait que donc Allah Azza wa Jal va donc te faire en vérité connaître le fait que tu vas pouvoir en vérité donc Allah Azza wa Jal va entrer cela dans ton cœur, il va en vérité entrer donc cette chose là donc dans ton cœur ou par l'intermédiaire d'un ange ou d'un diable. Alors où la chose sera réelle, authentique, exactement donc comme tu la verras donc dans ton rêve, comme elle pourrait se passer, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, ou par des signes ou des éléments qui vont amener à cela, qui vont en vérité donc te rapprocher de cela, ou un mélange de cela. Des fois le rêve il peut être donc pas clair, il peut être clair à un certain moment, peut-être pas au début, peut-être pas à la fin, il est clair au milieu ou le contraire, ou bien des fois il est clair du début à la fin, comme si on le vivait. Comme si donc on le vivait. Et son contraire, bien sûr, c'est ce qu'il y a dans donc le fait de voir lorsqu'on est éveillé, hein, lorsqu'on est éveillé. Anwa' ar-ruya, donc anwa'uha, c'est type. Donc ar-ruya tanqasimu ila qismayn. Tanqasimu ila qismayn. Qismun khasun bil anbiya. وقسم عام يشمل الأنبياء وغيرهم من الناس. Donc la vision ou le rêve est divisé en deux. Donc il est divisé par deux. Une partie qui est spécifique ou particulière aux envoyés, aux messagers, et une partie qui va donc englober les envoyés ainsi que les autres personnes. Les envoyés, les messagers ainsi que les autres personnes. وهذا القسم الآخر ينقسم بحسب نوع الرؤيا إلى ثلاثة أقسام. إلى deuxième partie, يعني القسم الذي يشترك فيه الناس مع الأنبياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤيا من الله عز وجل وتسمى الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة. Donc la première partie ou la première catégorie, c'est le rêve qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est appelé donc la vision véridique ou le rêve véridique. Donc on peut très bien l'appeler le rêve ou vision. Thani ru'ya min ash-shaytan wa tusamma bi ru'ya al-kadhiba. L'axe. Donc la deuxième partie qui est le contraire, qui est donc ici une vision de la part de Shaytan, et cette vision est appelée donc la vision qui ment, menteuse. Elle n'est pas véridique. C'est le contraire de la première. والثالث, la troisième, c'est ما يحدث به المرء نفسه ويشخلها به ثم يرى في المنام ما كان يحدث نفسه به. Hein, يحدث نفسه به. Donc ce qu'en vérité ما يحدث يعني به المرء نفسه. Ce que en vérité la personne donc ou fait ou pense dans la journée. C'est-à-dire ce que tu es en train de faire. Et tu es occupé par cela. Donc des fois tu es très occupé par un événement dans la journée. Donc cet événement a été donc, c'est-à-dire présent pendant une bonne partie de la journée, bien, il est dans ta conscience, et puis tu revois cette chose-là dans le rêve. Ça, c'est ce que tu as fait dans la journée. C'est tout simplement ce que tu as fait dans la journée. Donc, on voit ici les trois parties. On voit ici, donc, les trois parties. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يعني وَكَانَ يُقَالَ الرُّؤْيَا حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفِ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصُّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّي فَلْيُصَلِّي. Donc ici, un hadith rapporté par Abu Huraira, où en réalité le prophète sallallahu, donc nous a bien dit que, certes que, donc on disait que le rêve, c'est en réalité ce que l'âme, répète intérieurement. L'âme en vérité, donc proclame intérieurement. Et aussi une peur de la part de Shaitan, de Satan, et aussi une bonne annonce de la part d'Allah Azzawajal. Donc que celui d'entre vous, qu'il voit quelque chose qu'il déteste, qu'il ne le raconte à personne, mais plutôt qu'il se lève et prie. Il a akhir al-hadith. Mais plutôt qu'il se lève en réalité et prie. Il ne faut pas raconter donc les mauvais rêves. Il ne faut pas les raconter. Ru'ya al-anbiya. Donc là, on va entrer dans les détails. Nous allons voir donc ici le chapitre des visions des envoyés d'Allah. Ru'ya al-anbiya masdarun min masadir al-wahi li'annahum ma'sumun wa ru'yahum ma'sumatun min ash-shaytan wa hada bi'ittifaq al-umma kama qala kama hata ibn al-qayyim rahmatullah alayh. Donc la vision des envoyés, c'est une base parmi les bases de la révélation. C'est un wahy, masdar. Donc c'est une source parmi les sources de la révélation. Car ils sont exempts dans leurs rêves, donc ils sont exempts en vérité d'erreur. Et leurs rêves aussi sont exempts en vérité de ce que Shaitan pourrait insuffler. Shaitan n'a pas d'emprise donc sur les envoyés. Et même dans leurs rêves, il n'a pas d'emprise sur eux. Donc c'est une révélation, et il y a consensus, il y a unanimité chez les savants pour cela. وقال محمد بن كعب كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقظة ورقودة فإن الأنبياء لا تنم قلوبهم. Donc Mohammed ibn Ka'b dit, certes les envoyés, les messagers, lorsque la révélation d'Allah leur vient, elle leur vient alors qu'ils sont éveillés ou endormis, car leur cœur ne dort pas. Ils dorment, leurs yeux dorment. Ils dorment, mais le cœur reste éveillé. Le cœur reste éveillé. Donc, en vérité, cette révélation, lorsqu'elle le vient, alors que son cœur est éveillé, c'est comme s'il avait reçu, donc, en tant d'éveil. Il n'y a pas de différence. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رؤيا الأنبياء وحي واستدل بقوله تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Donc Ibn Abbas rapporte et prend comme preuve, donc il s'appuie sur la preuve, un verset où Allah Azza wa Jalla dit, et certes, donc il a dit, ô mon fils, j'ai vu dans le rêve que je vais t'égorger, donc je vais te sacrifier. Donc vois ce que, c'est-à-dire vois en vérité ce que tu vas faire, ce que tu vas en vérité décider. Wa qala fi qawli ta'ala an Yusuf إني رأيت أحد عشر كوكبا. Donc aussi Allah subhanahu wa ta'ala donc mentionne aussi donc l'histoire de Youssouf alayhi salatu wassalam. Certes j'ai vu donc 11 astres. إني رأيت يعني في المنام أحد عشر كوكبا. J'ai vu 11 astres. كانت رؤيا وحيا. Et en vérité on connaît l'histoire après, l'histoire de Youssouf. Donc, ce qu'il y a dans le rêve, c'est bien l'explication ici, c'est le tefsir de Sirah. Même si il n'a pas vu ses frères directement, donc, c'est-à-dire, se prosterner, ils ne sont pas prosternés, mais qui sont venus en vérité, donc, à lui, qui ont besoin de lui, Et ici, donc, il avait vu comment ça s'est passé lorsqu'il y a eu donc, les 11 astres ainsi que son père et la Khali. Donc là, c'est par rapport à hein, ou bien on voit le rêve comme on l'a dit auparavant clairement, ou bien c'est par une explication. Quelque chose qui va en vérité montrer l'ibara, ta'bir. وقال قتادة رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا في المنام شيئا فعلوه. وهذا في التفسير يعني في جامع البيان في جامع البيان. Donc ici Qatada dit certes les visions des envoyés sont vérité et lorsqu'ils voient quelque chose dans le rêve ils le font, ils le mettent en application. Donc il y a une pratique. On a qu'à y en faire. وقال القرطبي رحمه الله وهذا ثبت في الخبر المرفوع قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ننام أعيننا تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا والحديث رواه يعني ابن سعد في الطبقات وغيرهم يعني هو يعني الحديث يعني بهذا المعنى بهذا اللفظ ضعيف لكن يعني يكون صحيحا بأحاديث أخرى التي تدل على هذا المعنى. Ici donc je vais mentionner donc un hadith qui est en lui-même faible parce qu'il est morcel, mais il devient appuyé ou plutôt il devient donc fort et appuyé par d'autres hadiths qui sont rapportés par le même Al-Bukhari et qui vont dans le même sens. Certes, nous donc la communauté des envoyés, nos yeux dorment. Mais nos cœurs ne dorment pas. C'est-à-dire nos yeux dorment, mais nos cœurs ne dorment pas. Ne dorment pas. وقال ابن تيمية رحمه الله رؤيا الأنبياء وحي كما قال ذلك ابن عباس وعبيدة وابن عمر وقرا قوله تعالى قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك. Donc il dit bien ابن تيمية رحمه الله عليه que c'est un wahy. Que donc le La vision des envoyés, c'est une révélation, certainement. Comme le dit Ibn Abbas, et Ubaïda, et Ibn Omer, donc il prend les savants qui sont avant lui. On voit qu'Ibn Abbas donc connaît bien les paroles des savants. Donc Ibn Taymiyyah, rahmallah, on remarque souvent qu'il mentionne souvent donc ceux qui ont dit, malgré qu'ils sont à des époques différentes. Car il a lu beaucoup donc ce qui a justement ce qui est avant lui. Ibn Taymiyyah, rahmallah. Donc comme le dit Ibn Abbas, Ubaida ibn Umar. Donc le verset qu'on a vu auparavant, certes, j'ai vu dans le rêve que je vais te sacrifier. وقد كان مبدا الوحي برؤيا صادقه التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت اول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم فكان لا يرى الرؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. والحديث يعني الصحيح. Donc Aïcha radhiallahu anha rapporte que la première chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé avec la révélation, c'est donc la vision qui est claire, qui est saliha, donc qui est pieuse dans le rêve. Il la voyait, et chaque donc vision qu'il voyait, il la voyait en vérité comme si c'était en vérité un mithlo. Falak al-Subh, comment va être l'aube. Il la voyait aussi claire que l'aube. Donc c'était comme s'il ne dormait pas, de la même façon. فَكَانَتْ مُدَّةُ الْوَحِي بِالرُّؤْيَا سَتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَاءَهُ وَحْيُ الْيَقَظَةِ حِينَمَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. Et donc le Wahi, la révélation, est venue pendant 6 mois. Pendant 6 mois au départ, avant que Jibril lui viennent donc en état d'éveil. Non. Lorsqu'il lui est venu donc en état d'éveil. وفي رواية ابن عقيل الرؤيا الصادقة بدلا من الصالحة. Donc dans une autre version c'est الرؤيا الصادقة, la vision qui est véridique, ou dans l'autre version donc pieuse. وقال ابن حجر رحمه الله في بيان معنى لفظتين هما بمعنى واحد. بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة في أصل الأخص فرؤيا النبي كلها صادقة وقد تكون صالحة وهي الأكثر وغير الصالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في رؤيا Yom Uhud. Là, il y a une différence pour que vous compreniez entre Saliha pieuse et véridique. Donc, lorsqu'on parle, elles ont le même sens lorsqu'il s'agit donc de parler de ce qui a trait à l'au-delà, l'akhira, pour, c'est-à-dire en ce qui concerne les messagers. Et pour ce qui concerne les choses de la vie d'ici-bas, donc Saliha, c'est de façon plus particulière. Les visions pieuses, elles sont, c'est donc plus particulière. Tandis que elle peut très bien être donc véridique, et elle peut très bien être aussi donc pieuse, mais en même temps véridique et non pieuse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu justement selon un rêve par rapport à Uhud. Il a fait un rêve. Donc de ce que on va le voir, on va voir le hadith par rapport à ce rêve-là. Par rapport à ce qui va arriver à Uhud, lorsque les compagnons du prophète, 70 parmi eux qui sont morts. Donc ça, c'est pas un rêve qui est sans l'air, dans le sens où les gens sont morts. Mais il reste véridique. Donc majoritairement, c'est salih. Et si ce n'est pas salih, c'est par rapport à un khabar, par rapport à une annonce, même si elle serait mauvaise, qui va venir. Wa min ru'ya al-anbiya ma hasala al-khalil ar-rahman. Yani li khalil ar-rahman Ibrahim alayhi salam, حيث إن الله جل ثناؤه أمره أن يذبح ابنه من خلال رؤيا رآها في المنام. Donc bien sûr, parmi les exemples des rêves, donc le rêve où Ibrahim donc a vu en rêve qu'il devait donc sacrifier son fils. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه سعي فقال إني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى. Donc déjà on voit par rapport à ça, donc le verset qui par rapport à cela, donc où Ibrahim donc a montré que il a vu dans le rêve comme quoi il devait donc il a bien dit donc oh mon fils, j'ai vu donc dans le rêve que je devais te sacrifier. Donc pour ceux qui veulent revenir à ces versets là, donc ils reviennent dans la sourate Safat du verset 99 à 105. فهذه الرؤيا حق ووحي من الله سبحانه وتعالى الى خليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وكذلك رؤيا الانبياء جميعا فهذا يوسف عليه السلام راى رؤيا فوقعت كما راى فقال تعالى اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. Comme Youssouf, donc il dit, certes, lorsque Youssouf a dit à son père, oh mon père, j'ai vu 11 astres ainsi que le soleil et la lune, donc je les ai vus donc se prosterner devant moi. فأبوه بعد ذلك يذكره بالحكم الشرعي بالحكم الشرعي. Ici, son père, il vient juste après, en réalité, il lui annonce que ce hukm shar'i, il est resté dans l'islam, il est resté chez nous. Il lui dit justement donc de, en réalité, de ne pas donc raconter cela. Qala ya bunayya la taqsus ruyaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Ô mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères, car ils vont ruser, donc ils vont essayer de t'avoir par une ruse. Et certes, Shaitan est un ennemi évident pour la personne, pour l'humain. Donc on voit que le rêve qui est pieux, on ne raconte pas au premier venu. Car il y a parmi les gens des gens qui sont jaloux. Et tous ceux qui reçoivent une grâce de la part d'Allah Azzajal, ils trouveront donc une jalousie. Il n'y a pas un corps qui n'a pas goûté à la jalousie. Tout le monde a goûté au moins une fois dans sa vie à la jalousie, de façon générale. On va dire tout le monde, ou rares sont ceux qui n'ont pas connu la jalousie dans leur vie. Non. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter à Kulhel tout ce qui se passe devant aux gens, tout ce qui est, surtout par rapport à des rêves qui pourraient être bien. فوقعت الرؤيا وتحققت كما رآها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال تعالى عند تحقيقها رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا. Donc il dit aussi, Allah Azza wa Jal donc a concrétisé donc réellement ce rêve là. Puis il annonce, une fois que ce rêve a été annoncé, a été donc que cette rêve a été concrétisé, donc il a élevé, il lève ses parents sur le trône, et donc il se prosterne devant lui. Donc c'est le signe de respect. C'est pas la prosternation qui est connue chez nous. Donc ils font un geste d'accueil de respect devant lui. Et il dit, ô mon père, voici donc l'interprétation de mon rêve qui était avant. Et Allah a rendu ce rêve donc véridique. Et Allah l'a rendu véridique. Il l'a rendu véridique. فقال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية أي هذا ما آل إليه الأمر فإن تأويلا يطلق ويطلق على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتيهم ما عدوا من خير أو شر وما عدوا من الخير أو شر وقول تعالى وقد جعل ربي حقا أي صحيحة صدقا. Donc Ibn Kathir dit, en expliquant ce verset, que cette chose-là est arrivée, et l'interprétation de cela, donc c'est comme là où Allah Azzal dit bien, il montre un autre verset, où, dans l'Araf, Allah dit bien, donc certes, il ne voit, ne voit-il que son interprétation, le jour où l'interprétation réellement va venir, c'est-à-dire le jour dernier, Yom Kippour, donc Allah Azzal l'a appelé aussi interprétation. Comme quoi qu'il va venir, dans ce moment-là, ils verront. Hein, donc ils verront bien, ils verront le bien et le mal qui a été passé, qui passe par chaque personne. Et aussi la parole d'Allah Azzawajal, lorsque Allah Azzawajal dit, donc certes, notre Monseigneur a fait donc de cette interprétation une réalité. C'est-à-dire réelle, donc sahiha, elle est vraie, elle est véridique et elle est aussi donc authentique. Elle est authentique et véridique. Elle est authentique et elle est véridique. وكذلك لما يعني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة. Donc parmi aussi ceux qui arrivent au prophète صلى الله عليه وسلم, لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق. لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموه فجعل من دونه ذلك فتحا قريبا. Donc ici Allah Azzawajal dit bien aussi, certes Allah a livré ainsi que son envoyé a rendu véridique ainsi que son envoyé le rêve en toute vérité, cette vision en toute vérité. Vous allez entrer dans la mosquée sacrée avec la volonté d'Allah en toute sécurité, vos cheveux rasé ou coupé, et vous n'avez pas peur, la tachafoun, donc n'ayez crainte. Et Allah sait ce que vous ne savez pas. Allah sait ce que vous ne savez pas. Et Allah a fait en dehors de cela, c'est en dehors de cela, donc une ouverture qui se rapproche. Et ni fethou Mecca. Fethou Mecca, donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir à Mecca. Fethou Mecca. Ibn Jalil dit, Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dhikru inna Allah yani wa inna Allah ya Muhammad sami' lima yaqulu ashab alimu bima yadmarun idh yurika Allah aduwak wa aduwahum fi manamika qalila yaqulu yurikum fi nawmika qalilan fatukhbiruhum bidhalika hatta qawwiyat qulubuhum washtara'u ala harbi aduihim. Donc Ibn Jalil dit, ça c'est par rapport au verset où Allah Azzal dit bien, certes Allah a montré les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi ils étaient un petit nombre. Il n'a pas montré un grand nombre. Car les compagnons, certains d'entre eux se posaient des questions, ils parlent par rapport à ça. Ils sont beaucoup, on ne va pas réussir à gagner. Et Allah Azzal a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le rêve, qu'ils étaient peu. Alors qu'en réalité ils sont beaucoup. Afin qu'ils leur disent, et eux qu'est-ce qui se passe? Donc ils vont justement... prendre leur résolution. ils auront moins peur et justement ils vont oublier donc cette peur et ils vont y aller. Ils vont en vérité donc se battre. Ils vont en vérité donc se battre. ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشى أصحابك. Si Allah t'avait montré que tes ennemis et leurs et donc les ennemis de aussi donc leurs ennemis et les ennemis de tes compagnons étaient beaucoup, ils auraient eu peur, lafashى. Donc ils auraient en vérité donc délaissé cela, ils auraient en vérité donc perdu. وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم. Ils auraient eu peur et ils n'auraient pas été capables de se battre avec le peuple. Il n'aurait pas été capable de se battre en tout cas. وَيَتَنَازَعُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنِسَلَّمَهُمْ بِمَا أَرَاكَ فِي مَنَامِكَ مِنَ الرُّؤْيَا إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تُخْفِيهِ الصُّدُورُ. Donc bien sûr aussi, alors qu'ils se disputaient dans le sens où certains compagnons disaient non ils sont trop, certains compagnons disaient on va le faire quand même, on va quand même aller se battre, d'autres disaient on va perdre, ils sont trop. Il a khélihi, mais Allah Azzal, donc, les a protégés, ça les a rendus saints de cela, les a protégés en vérité de cela, à travers ce rêve, à travers ce qu'il a montré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah Azzal dit quoi ? Eh bien, donc, au courant de ce que les poitrines cachent, de ce que les poitrines cachent. Wa qala ibn Umar, radiallahu anhuma, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala raitu ka anna imra'atan sauda, nathrat ras. إن خرجت من المدينة حتى قامت بمعيها وهي الجعفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها نقل إليها. Donc le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de cette femme qui donc nathala, c'est-à-dire que le donc qui tressait, hein, donc en vérité, ou Nam, donc sa tête, c'est-à-dire qui touchait sa tête, et elle est sortie de Médine et qui est partie donc vers le Djurfa qui a mi-chemin à peu près entre Médine et la Mecque. Donc là ici, donc, elle a justement interprété cela, qu'en vérité, que la chaleur de Médine est partie à Djurfa. Car on sait qu'au début, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médine, donc plusieurs des compagnons sont tombés malades. Il y avait une chaleur qui était forte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'en vérité que cela parte. Qu'en vérité donc cette chaleur qui est intense parte donc justement ailleurs. Et la même chose dans le hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu, ara anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal ra'aytu ru'ya inni hazastu sayfan fanqata'a sadri. صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هزسته أخرى فعاد كأحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيته فيها بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc Abu Musa al-Ash'ari rapporte radhiyallahu anhu, donc j'ai vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire donc certes j'ai vu un rêve, un songe où donc je bougeais donc hazastu donc l'épée et donc il a donc ouvert sa poitrine, il a ouvert donc la poitrine et ça c'est ce qui a été touché donc c'est-à-dire ça c'est l'interprétation de ce qui est arrivé aux croyants le jour de Houd. Et puis il l'a touché encore une fois donc il a remué encore une deuxième fois, et cela est revenu donc de la meilleure façon. Donc c'est revenu en vérité de la meilleure façon. Et ça c'est l'interprétation de ce que Allah Azzajal a donné comme ouverture aux croyants et aussi le rassemblement des croyants. Et il a vu aussi donc une vache, donc de la meilleure façon, qui était en vérité donc de la meilleure façon. Et ça en vérité c'est aussi donc les croyants le jour de Houd. C'est aussi donc les croyants le jour de Houd. Car en vérité, même s'ils sont morts, il y a quand même un bien derrière, comme quoi en réalité ils sont morts à Kohel Shuhada. À Kohel, c'est comment ils sont, donc ils sont Shuhada. Et que ذلك, من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما, قال النبي صلى الله عليه وسلم, رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برمصية امرأة أبي طلحة أو امرأة أبي طلحة سمعت خشخشة فقلت من هذا قال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا قال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر يا بأبي وأمي أنت يا رسول الله عليك يعني أغار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il raconte encore une fois un songe. Et donc je me suis vu donc entrer au paradis. Donc je me suis vu entrer au paradis. Et donc j'ai vu une âme, la femme de Abu Talha. Et j'ai entendu des pas. J'ai entendu des bruits de pas. Et j'ai dit qu'est-ce que cela ? C'est Bilal. Et j'ai vu un château. Là où il y a notre château, dans le milieu, là où on va être les gens. Parce que de façon générale, à l'arabe, ils aiment bien construire. Et au milieu, ils font le jardin. Hein, donc là, en général, le milieu, c'est là où les gens profitent. Donc il y a de l'ombre, il y a des arbres, il y a le jardin à l'intérieur. Il a vu à l'intérieur, une femme, une Jairia. Donc il dit qui c'est ? Il dit ça, c'est Romain. Donc, qui appartient à ce château ? Ce château appartient à Romain. Et je voulais y entrer, mais je me suis souvenu de ta jalousie. Donc Al-Jariya, ça peut être la femme, ça peut être l'épouse, comme ça peut être elle aussi, la servante. Et je me suis souvenu de ta jalousie. Et Omar, il dit, c'est-à-dire, lorsqu'il dit par mon père et ma mère pour toi, dans le sens où je suis prêt à sacrifier et mon père et ma mère pour toi, ou envoyé d'Allah, est-ce que de toi je serai jaloux ? Est-ce que de toi je serai jaloux ? Donc c'est pour montrer ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit des rêves qui sont véridiques, c'est des choses qui arrivent par plus tard, dans l'avenir. Et on sait aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois demandait aux gens, parce que il y a une certaine période, il le faisait, ça par le subh. Il demandait aux gens par le subh qui de vous a vu un rêve. Ça se passait souvent après la prière du subh. Demandez de qui de vous a rêvé. De façon générale, après ça, on se souvient bien de ce qu'on a rêvé. Mieux que si c'était après Dhuhr ou après l'Asr. On peut oublier ces choses-là. Donc il demande, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, akbar alayna bi wajhi faqal, wal hithini samura ibn jundub, qal, kana al nabi sallallahu alayhi wa sallam, ida salat, akbar alayna bi wajhi faqal, man ra'a minkum layla ru'ya, qal, fa inni, فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا فقلنا لا قال ولكني رأيت الليلة رجلان أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة وفي أنه رأى أصناف معذبين من هذه الأمة فذكر الكذاب الذي آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار والزنات وأكلت الربا ورأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وحوله الصبيان. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de demander à ses compagnons. كان يفيد يعني الدوام. On va dire هناك العادة. Quand on voit, si vous voyez un hadith où il y a كان رسول الله, donc certes le prophète faisait, on sait qu'il a fait plusieurs fois. Donc c'était continuel. Et qui de vous a vu cette nuit une vision, un rêve ? Que celui donc qui voit une vision, qui nous la raconte ? Et il dit donc, Masha'Allah. Puis, on demande un jour, et il dit, donc qui de vous a vu un rêve ? On a tous dit donc non. Qui de vous a vu cette nuit donc un rêve ? A eu un songe cette nuit ? On a tous dit non. Et dis-moi, Serge, j'ai vu cette nuit donc un songe où deux hommes m'ont pris par la main et m'ont amené à la terre sacrée. Le hadith, vous le connaissez. Et il a vu ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont montré dans ce hadith qui est long plusieurs catégories de personnes qui se font parmi la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se font châtier. Alors donc c'est mu'adhabin, yani il fait déjà fait le qabr, c'est par rapport à adhab al-qabr. Donc déjà les gens, ce qui leur arrive déjà dans leur tombe, ils sont châtiés dans cette communauté. Donc on voit donc celui qui ment. Donc il a vu le châtiment de celui qui est menteur. On a vu le châtiment de celui dont Allah a donné le Coran. Et il y dort la nuit. Donc en vérité, il ne met pas en application la nuit. Et non plus, donc il ne prie pas dessus. Et la journée, il ne le met pas en pratique. Ceux qui font la fornication, ceux qui mangent de l'usure, akalat al-riba. Ça, c'est un sujet important. Riba, parce qu'on voit que les gens maintenant ont trouvé, ou bien recherchent des facilités par rapport à riba, alors qu'il y a un châtiment derrière. Et il a vu aussi Ibrahim, alayhi salam, jouer avec les enfants. Donc, hawlahu, c'est-à-dire autour de lui, plutôt, il y avait donc des enfants. Autour de lui, plutôt, il y avait des enfants. Donc, bien sûr, en vérité, il y a énormément de rêves. Hein, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même Al-Bukhari, ainsi que Muslim, Ashab al-Sunan, donc ils les ont placés dans les chapitres dans leurs livres. On retrouve beaucoup dans les chapitres dans leurs livres. Donc là, on voit de façon générale donc Roya al-Anbiya. Maintenant, on va parler donc Roya, Ghayr al-Anbiya, les rêves de ceux qui ne sont pas envoyés, ni messagers. Donc on a vu que ces rêves sont divisés en trois. Sadiqa, Al-Kaziba, ou min al-'ada, donc celle qui est sadiqa min Allah, al-kadhiba min ash-shaytan, wa min al-'ada, de ce que tu vois, de ce que tu fais la journée, de ce que tu as pensé, de ce qui t'a justement donc occupé, de ce qui occupe ton esprit souvent, donc tu le vois dans, c'est-à-dire dans la nuit, dans ton rêve. Donc on va commencer donc le qism al-awwal, ru'ya as-sadiqa allati takun min Allah. Fa hadhihi ru'ya tu'rafu bi ism ru'ya as-sadiqa لأنها تكون من الله سبحانه وتعالى وما كان من الله فهو حق. Elle est appelée donc ici donc le rêve qui est véridique car il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui vient d'Allah il peut être que haq. C'est pour ça qu'il est sadiq. وتحصل في أغلب الأحيان للمؤمنين المتقين وهي المعنى يعني المعنية نعم بقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا المؤمنين جزء من 76 و40 جزءا من النبوة رواه البخاري. Donc de façon générale, qui voit ces rêves qui sont véridiques, ce sont justement les croyants, les pieux. Et on le voit par rapport à ce que Allah Azza wa Jalla, donc à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par al-Bukhari. La vision du croyant est une partie parmi donc 46 parties de la prophétie. Et dans une autre version, donc une partie parmi 70 parties de la prophétie. Rawahu al-Muslim, l'imam Muslim. Wa ma'na annaha juz'un min an-nubuwa ay fi sidq al-khabar. Fi sidq al-khabar. La bi kawniha masdar min masadir at-tashri' allati ya'ulu 'alayha. Bima'na ton rêve, même s'il fait partie de, même si c'est une partie parmi les 46 parties ou parmi les 70 parties, ça ne veut pas dire que ton rêve c'est la sharia. C'est-à-dire que ton rêve en vérité c'est une, on va légiférer avec ton rêve là. Mais ça veut dire que il est véridique comme la sharia est véridique. Comme en vérité la révélation est véridique de la même façon. C'est un khabar qui est sadiq. Donc ton rêve qui est pieux, donc qui est en vérité véridique, il est véridique de la même façon qu'en vérité la révélation est véridique. Voilà. Donc de là la ressemblance. La ressemblance par rapport au fait de dire que c'est véridique. Par rapport au fait de dire que c'est véridique. On peut retrouver des voix dans certains livres qui vont dire que par rapport au 46, la prophétie est venue 23 ans. 6 mois, donc les rêves pieux, hein, avant les trucs. Donc ils disent que donc, 6 mois, c'est un 46e des 23 ans. Certains donc, ils vont faire un calcul par rapport au temps. Allahu alam bih. Il y a par rapport à cela. وقال الخطابي رحمه الله الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. Donc il dit l'imam al-Khatabi رحمه الله, donc الرؤيا, la vision est venue en conformité avec la révélation, avec le message, mais pas parce que c'est une partie qui reste, comme si la nubuwa n'était pas complète et ça c'est la dernière, c'est ça qui va compléter une nubuwa. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'elle vient en vérité terminé ou complété, et c'est le reste de la prophétie. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. وقال ابن بطال إن النبوة مأخوذة من الإنباء وهو الإعلام لغة فعلى هذا المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. Donc Ibn Battal il dit aussi que certes donc le message est venu du mot donc l'inba qui veut dire en vérité l'ilam le ratan donc en vérité l'annonce le message l'annonce le message. Et à partir de ce sens-là, donc le rêve qui est véridique, donc le rêve en réalité était quoi ? Est une annonce qui est véridique de la part d'Allah Azza wa Jal, et on n'y retrouve pas de mensonge. De la même façon que la prophétie est aussi une annonce, un khabar, donc une annonce qui est véridique de la part d'Allah Azza wa Jal, et il est interdit en réalité de le comparer, hein, ou bien de dire qu'en réalité cela est du mensonge. Donc c'est pour ça qu'il y a une ressemblance. La ressemblance elle est dans le sitq. Hein, al-muqarana fi sitq. Elle est fi sitq. Et Ibn Hajar dit rahmallah inna ruya inna ma kanat juz'un min ajza'i an-nubuwati likawniha min Allah ta'ala bi khilaf allati min ash-shaytan fa innaha laysat min ajza'i an-nubuwa wa ashara al-Bukhari ila dhalika fi tarjamatihi fi kitab ar-ru'ya bi qawlihi bab ar-ru'ya as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa. Donc Ibn Hajar aussi dit qu'aussi donc c'est la vision. Donc si elle est une partie parmi les parties donc de la prophétie, car elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qui provient de Shaytan. Et elle n'est pas en vérité, malgré ça, elle ne fait pas partie de la prophétie, c'est-à-dire avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même Bukhari, donc il dit bien dans son livre, donc certes, donc le rêve pieux est une partie parmi 46 parties de la prophétie. Donc, فَهَذَا النَّوْ مِنَ النُّرُوْيَا يَكُنْ مِنَ اللَّهِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِقَوْلِهِ الرُّوْيَا الصَّالِحَ مِنَ اللَّهِ وَالْحِلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلِمَ أَحَدُكُمْ حِلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْسُطْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. Donc ici, car en vérité, le rêve pieux, le vrai rêve, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous montre aussi comment on fait par rapport au rêve qui vient du shaitan. Donc il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le rêve pieux le provient d'Allah. Et donc le cauchemar provient du shaitan. Et celui d'entre vous qui viendrait à faire un cauchemar, et qu'il a peur de cela, donc des fois les gens ils se réveillent, donc on voit bien, ils sont en sueur. Ils ont vraiment peur, donc qu'ils crachent vers sa gauche. Qu'ils crachent vers sa gauche et qu'ils demandent protection auprès de Shaitan. Et ce rêve-là ne le touchera pas. Là, t'adores. Donc ne va pas en vérité. Non. J'ai dit protection auprès de Shaitan ? Non. Barakallofik. Donc je me suis trompé. C'est protection contre Shaitan, je voulais dire. Barakallofik. Donc protection contre Shaitan. Et moi, j'ai dit auprès. Barakallofik. Donc tu demandes protection contre Shaitan et pas auprès de Shaitan, bien sûr. Donc cette protection contre Shaitan ne va pas en vérité te nuire. Matal Aden, c'est pas encore. Hein? D'accord la waqt. Donc on va continuer encore un petit peu, 5 minutes inchallah, comme ça on fait les commandes directement. قال القرطبي رحمه الله الرؤيا الصادقة من الله وأنها من النبوة وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان وإن التصديق بما حق ولها تأويل الحسن وربما أغنى بعدها عن تأويل وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه ولا خلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد من المعتزلة وغيرهم وشرط ذماء يعني من المعتزلة. Donc le même Qurtubi dit rahmallah que le rêve qui est pieux provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie donc de la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que le rêve provient d'Allah et le cauchemar provient de Shaitan. Donc celui qui va Donc croire cela, tu vas bien sûr le fait que cela est véridique. Donc en vérité, elle a justement en plus une bonne. Ce beau rêve, il a automatiquement une bonne interprétation. Automatiquement, il y a une bonne interprétation. Donc il y a un khair des fois, il y a une bonne annonce pour ce qui va advenir. Hein, ce qui va advenir dans la vie. Et des fois, on voit que certains rêves, ils n'ont même pas besoin d'explication. Ils sont clairs. C'est wadih. Ils sont clairs et ça va se passer comme c'est venu. Et cela, en vérité, donc, c'est justement donc, c'est pour montrer en vérité comment Allah Azzawajal fait les choses de la meilleure façon. Et aussi comment il connaît les choses donc, dans les moindres détails. L'autre, donc c'est encore plus pointu que Khabir. Dans le sens, c'est Khabir, mais avec justement quelque chose qui est pointilleux. Le fait que c'est vraiment, donc, c'est fin. Donc, c'est ça l'autre pour Allah. Et c'est ce qui va faire augmenter en plus la foi du croyant. Et tous les savants et tous les gens de la religion, donc ils sont bien sûr d'accord pour cela. Ils sont d'accord. Ils rejettent les rêves, subhanallah, qui, donc bien sûr, les athées et parmi certaines personnes, parmi les Mu'tazila. Hein, les Mu'tazila qui rejettent en vérité donc, les rêves. Wa astaqun nasi ru'ya astaquhum haditha. فصدق رؤيا يعني فصدق رؤيا تكون بحسب صدق رأي فمن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرى الصدق وأكل الحلال والمحافظة على الأمر والنهي ولينام على طهارة كاملة مستقبل القبلة ليذكر الله حتى تغمض عيناه فإن رؤياه لا تكذب البتة. Donc ça c'est Ibn al-Qayyim qui dit ça, rahmallah, il dit: les gens qui sont les plus véridiques, donc on va faire les rêves les plus véridiques. Car le rêve véridique sera en fonction de la véracité de la personne dans sa vie. Et si la personne veut être véridique dans son rêve, qu'il recherche donc la véracité dans le fait de manger ce qui est licite, dans le fait d'être assidu à ce que Allah a ordonné, et de s'éloigner aussi de ce que Allah a interdit, bien sûr. Et qu'il dorme en état d'ablution. Donc, ablution complète en faisant face à l'Arqibla. Et qu'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il évoque Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il dorme, jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Donc, il va prononcer la louange d'Allah azzawajal, par exemple, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, et d'autres, jusqu'à ce qu'il dorme. Hein? Car son rêve, justement, ne sera pas donc mensonge. Certes, ce rêve ne sera donc réellement, ce sera vraiment un rêve qui ne sera pas de mensonge. Comme le dit Marc Rahmatullah Ali. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et Inch'Allah, donc, ce sera pour le prochain Dars dans 3 semaines, Inch'Allah. C'est-à-dire plus tard, quoi. Donc, si c'est dans 3 semaines, Inch'Allah, peut-être. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashadu anna ilaha la ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.